main vers le ciel, la main sur le cœur, regard vers le sol, la rage te ressort. Fini, parce que l'État veut imposer ses limites. Sur le beat, mon paracomite, famille défend trop vite. Le poing vers le ciel, la main sur le cœur, regard vers le sol, la rage te ressort. Fini, parce que l'État veut imposer ses limites. Sur le beat, mon paracomite, famille défend trop vite. Fini. Pour ces mecs, coincés en bas des blocs, parce que le système nous freine. Dans nos têtes, on débloque. Milite pour la daronne qui souffre de nos péchés, attirés vers les déchets. Ici, pas on fait qu'on puisse. J'milite contre les keufs, l'état, les forces de l'ordre. Tu sèmes la parure, tu récoltes que des sorts. J'milite pour toute cette jeunesse qui est délaissée. J'milite parce que l'état nous a toujours mis de côté. J'milite, j'combats pour ma couleur de peau. Les racistes prétendent qu'en France on est de trop. J'milite pour la hausse des salaires et la baisse des prix, parce que c'est contraire, mais voilà pourquoi on déprime. J'milite, j'parle pour tous ces handicapés, ceux qui se battent, mais l'état rejette de côté. J'milite 9-1, j'milite 9-2, j'milite 9-3, j'milite 9-4, j'milite 9-5, j'milite 7-7, j'milite 7-8. Le poing vers le ciel, la main sur le cœur, regard vers le sol, la rage te ressort. J'milite parce que l'état veut imposer ses limites. Sur le beat, mon paracomite, famille défend trop vite. Le poing vers le ciel, la main sur le cœur, regard vers le sol, la rage te ressort. J'milite parce que l'état veut imposer ses limites. Sur le beat, mon paracomite, famille défend trop vite. J'milite contre les juges qui infligent leur plus grosse peine. C'est pour mes gars à pleurer, fil, peintre, scarfraie. J'milite les conditions de vie dans les cellules. Y'a de plus en plus de suicides dans son comme on sait l'où. J'milite pour ces hommes qui quittent leur terre pour un monde meilleur. Sur le territoire français, on te pousse à tirer ailleurs. J'milite ces soldats braves de la guerre d'Algérie. J'milite cette France que l'État a du mal à gérer. J'milite 2009 sous le règne de Sarko. 2012, j'mène le combat, mon vote à Sego. J'milite parce que c'est toujours les mêmes en retardation, obligé de mettre la pression pour faire tourner mon son. J'milite parce que c'est la loi du plus fort. Si t'attaques pas par derrière, on te mord. J'milite 1-3, j'milite 5-9, j'milite 2-8, j'milite 3-1, j'milite 4-4, j'milite 6-9, j'milite 3-1. Vers le ciel, la main sur le cœur, regard vers le sol, la rage te ressort. J'milite parce que l'État veut imposer ses limites. Sur le beat, mon paracomite, famille défend trop vite. Le poing vers le ciel, la main sur le cœur, regard vers le sol, la rage te ressort. J'milite parce que l'État veut imposer ses limites. Sur le beat, mon paracomite, famille défend trop vite. Le poing vers le ciel, regard vers le sol, je braque toute la haine et la rage des sous-sols. C'est la crise de nos vies que je dénonce. On est bloqué, les pieds coincés entre les ronces. Dans nos têtes, c'est comme une bombe à retardement. Quand on pète un plomb, c'est comme la puissance d'un volcan. C'est la merde, et plus on perd tout contrôle. On fait des choses insensées, c'est la mort qu'on frôle. Pour ça que j'arrive fort, joue mes meilleures cartes. Baraka, baraka, baraka.